Mon chéri, le coup là, il y a une mobembo à Ouas, il y a une zaline à Congo, Brazzaville, Ouganda, Okolekakuna, Kenya, Tanzanie, Abidjan, Pé Dakar. Nayoki, Oyena, Montoule, Moko, Penza, Yamalunga. Mondule wana eyali succès à la moule batu nyonso bazala kosenga kango succès à la moule. Sami à la nuée.